vie pourra prendre une place dans ce cœur qui ne bat pas vraiment. Don Juan, toi qui me fais encore souffrir, c'est pour toi que je crains le pire. Faut-il donc que tu les méprises, toutes ces femmes qui t'ont aimé, que la sueur sur ta chemise ne soit leur unique bûcher. N'as-tu jamais connu l'amour? N'as-tu pas peur de les manquer? Toutes ces femmes qui n'avaient qu'un jour contre une vie à te donner. Don Juan, Don Juan, lequel est le plus malheureux, même si l'amour divise en deux? Don Juan, c'est pas toujours celui qui pleure qui fera la plus grande erreur. Don Juan, demande pardon, tu verras. Peut-être que quelqu'un t'entendra. Faut-il donc que tu les méprises, toutes ces femmes qui t'ont aimé, que la sueur sur ta chemise ne soit leur unique bûcher. N'as-tu jamais connu l'amour? N'as-tu pas peur? Comme se l'inviter à ta table.